Yes, yes, hey. Listen, I'm just so dead. je prends l'avion avec toi. Je m'en vais. Quand je prends l'avion avec toi, je frivole. Je regarde tes yeux à travers le hublot. Welcome Tony B, welcome, welcome everybody, everybody. Ça va Tony? Bon, je vais essayer de faire des compos un peu plus, on peut changer de BPM là? Est-ce qu'on pourrait passer, je sais pas moi, vous voulez faire quelque chose qui bouge, quelque chose, vous voulez faire quoi? Yeah, yeah. Non, je rigole. Change your heart. Look around you. Okay. Elle est gentille. Elle a des cheveux blonds qui tombent derrière. Lucille. Et quand je la regarde, Lucille, j'aime une fille qui s'appelle Lucille, un peu fragile. Elle a deux, trois copains dans la rue, Lucille. J'attends chaque jour, Lucille. Je l'attends chaque soir, fragile. Lucille, Lucille, Lucille. Bonsoir aux arrivants, ici Kino Musique, eh oui, Kino Studio Musique. On va vous faire rêver avec Jazz Funk, un peu de jazzy, à la Jonas, Welcome everybody. Welcome Hama. Welcome Hump. Yes. Who's starting playing? Qui veut commencer à jouer? Hammer, yes. Welcome. Ta ta ta, chiki chiki chiki chiki chiki chiki. Allez, on met de l'ambiance. On met de l'ambiance. Ouais ouais, punch dans le texte. Ouais. L'improvisation comme d'habitude. Il faut que j'improvise toujours. La la la la la. Drum, allez. Ouais. Pas bon le batterie. Allez, restart. Thank you.

ceux qui veulent faire connaissance avec mon travail, eh bien, sur Internet, il faut taper Kino Musique dans SoundCloud. Il y a des œuvres et un travail de composition. C'est bien. Essayer d'en pondre une autre. Ça va pas être facile.